Deuxième partie, chapitre 13e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 13e. Des aspirations ou oraisons jaculatoires et des bonnes pensées. On se retire en Dieu parce qu'on aspire à lui, et on y aspire pour s'y retirer. Ainsi, la retraite spirituelle du cœur et l'aspiration vers Dieu sont faites l'une pour l'autre, et toutes deux tirent leur origine des bonnes pensées. Élevez donc souvent votre esprit et votre cœur à Dieu filoté par ces élancements vifs et courts de votre âme en lui. Admirez l'excellence infinie de ses perfections, implorez le secours de sa puissance, adorez sa divine majesté. Offrez-lui votre âme mille fois le jour, louez son infinie bonté, jetez-vous en esprit aux pieds de Jésus crucifié, interrogez-le souvent sur tout ce qui regarde votre salut. Goûtez intérieurement la douceur de son esprit, tendez-lui la main comme un petit enfant à son père, en le priant de vous conduire. Mettez sa croix sur votre poitrine comme un bouquet délicieux, placez-la dans votre cœur comme un étendard sous lequel vous devez combattre vos ennemis. En un mot, tournez votre pauvre cœur en toutes sortes de sens et donnez-lui tous les mouvements que vous pourrez pour l'exciter à une tendre et vive dilection de votre divin époux. C'est là la pratique des oraisons jaculatoires que saint Augustin conseillait si fortement à la dévote dame Proba. Et si nous faisons ainsi notre âme à traiter ainsi familièrement avec Dieu, elle prendra toutes les impressions de ses divines perfections. Mais remarquez bien que cet exercice n'est ni difficile ni incompatible avec vos occupations, car il n'y faut que des moments d'attention. Et même, bien loin qu'il détourne ou diminue l'application de l'esprit aux affaires, il la rend plus efficace et plus douce. Le voyageur qui prend un peu de vin pour se rafraîchir la bouche et pour se réjouir le cœur ne perd pas son temps, parce qu'il prend de nouvelles forces et qu'il ne s'arrête que pour marcher plus vite et pour faire plus de chemin. L'on a fait pour cet usage plusieurs recueils d'oraisons jaculatoires, et je les crois tous fort utiles. Cependant, je ne vous conseille pas de vous y assujettir. Contentez-vous de dire du cœur ou de la bouche ce que l'amour vous inspirera sur le champ, et il vous suggérera tout ce que vous pourrez souhaiter. Il est vrai qu'il y a de certaines paroles pour lesquelles le cœur a un attrait tout particulier, comme celles des psaumes qui ont tant de feu, ou bien les diverses invocations du nom de Jésus, ou bien ces traits enflammés de l'amour divin que nous avons dans le Cantique des Cantiques. J'avoue même que les cantiques spirituels peuvent encore servir à cette intention, pourvu qu'on les chante avec une attention sérieuse. Appliquez ici l'exemple des personnes qui s'aiment d'un amour humain et naturel. Tout en eux est occupé de cet amour. L'esprit, la mémoire, le cœur, la langue. Que de pensées, que de souvenirs, que de réflexions, que de transports, que de louanges, que de protestations, que d'entretiens et de lettres. L'on veut toujours y penser et toujours en parler, ou écrire quelque chose, même sur l'écorce des arbres que l'on trouve. C'est ainsi que ceux qui sont bien pénétrés de l'amour de Dieu n'en respirent que pour lui et n'aspirent qu'au plaisir de l'aimer, ne se lassent jamais de penser à lui et d'en parler, et voudraient, s'ils étaient les maîtres des cœurs de tous les hommes, y graver le saint et sacré nom de Jésus. Ainsi n'y a-t-il rien hors d'eux qui ne leur fournisse quelque attrait du divin amour et qui ne leur annonce les louanges de leur bien-aimé. Oui, dit saint Augustin après saint Antoine, tout ce qui est dans le monde leur en parle et la vérité d'un langage muet mais fort intelligible, à leur esprit, à leur cœur, forme de ses paroles et de ses pensées, les aspirations amoureuses et les douces saillies qui élèvent en Dieu. En voici quelques exemples. Saint Grégoire, évêque de Naziance, se promenant un jour sur le rivage de la mer, comme il le raconta à son peuple, considéra fort à loisir toutes sortes de coquillages, que les vagues y laissaient, que d'autres flots ramenaient avec eux alternativement, et en même temps, il admira aux environs la stabilité des rochers contre lesquels la mer venait battre impétueusement. À cette vue, il pensa que c'était là justement le caractère des âmes faibles et superficielles qui se laissent emporter tantôt à la joie et tantôt à la tristesse, cédant indifféremment au mouvement des événements divers de la vie, et leur caractère des âmes généreuses et constantes que rien n'est capable d'ébranler. Et puis son cœur, profitant de cette pensée, s'éleva à Dieu et lui fit dire comme au prophète royal « Ô Seigneur, sauvez-moi car les eaux ont pénétré jusqu'à mon âme. » Ô Seigneur, délivrez-moi de cet abîme, la tempête m'a précipité au fond de la mer. » Mais remarquez que cette réflexion et ce sentiment convenaient bien à la situation de son âme, parce qu'il souffrait avec douleur l'usurpation que Maxime voulait faire de son évêché. Saint Fulgence, évêque de Ruspe, s'étant trouvé dans Rome à un triomphe de Théodoric, roi des Goths, qui présida lui-même à une assemblée générale de toute la noblesse romaine, fut charmé d'un spectacle si magnifique et s'écria en s'élevant à Dieu « Hélas ! Si Rome, toute terrestre qu'elle est, paraît si riche et si brillante, que la Jérusalem céleste doit être belle ! Et si le maître des biens a laissé tant de gloire aux amateurs de la vanité, que n'a-t-il pas réservé aux contemplateurs éternels de la vérité ?» On dit que saint Anselme, dont la naissance a beaucoup honoré nos montagnes, et qui fut archevêque de Cantorbéry, savait admirablement bien cet art de spiritualiser les pensées les plus communes. Étant en voyage, un lièvre poursuivi par des chasseurs vint se réfugier sous son cheval, et les chiens faisant un grand bruit autour n'osèrent jamais violer l'immunité de l'asile. Un spectacle si nouveau pour les chasseurs les fit bien rire, mais le saint prélat, touché intérieurement de l'Esprit de Dieu, leur dit en gémissant et en pleurant « Ah, vous riez ! Mais la pauvre bête n'a pas envie de rire ! Pensez bien quel malheur est celui d'une âme, que les démons ont conduit de détour en détour et de péché en péché jusqu'à l'heure de la mort. Alors, terriblement effrayée, elle cherche un asile, et si elle n'en trouve pas, ses ennemis lui insultent, et elle devient leur proie éternelle. » Saint Antoine, ayant reçu une lettre fort honorable de Constantin le Grand, et les religieux qui étaient autour de lui en ayant paru surpris, « Quoi ? Leur dit-il, vous vous étonnez qu'un roi écrive à un homme ? Admirez donc l'infinie bonté de Dieu éternel pour les hommes mortels, d'avoir bien voulu écrire lui-même sa loi, et leur parler encore par la bouche de son propre fils. » Saint François, ayant aperçu une brebis toute seule dans un troupeau de boucs et de chèvres, dit à son compagnon, « Voyez qu'elle est douce. Voilà quelle était la douceur de l'humble Jésus au milieu des scribes et des pharisiens. » Et une autre fois, voyant un petit agneau mangé par un pourceau, il dit en pleurant, « Ah, que cela me représente bien la mort de mon Sauveur !» Cet homme illustre de notre temps, François de Borgia, duc de Candie, tournait ainsi toutes les idées de la chasse en pieuses réflexions. « J'admirais, disait-il, après sa retraite de la cour, la docilité des faucons qui reviennent sur le point et qui se laissent couvrir les yeux et attacher à la perche, et je m'étonnais de l'indocilité aveugle des hommes qui sont toujours rebelles à la voix de Dieu. » Saint Basile dit que la rose environnée de ses épines fait cette belle instruction aux hommes. Ce qui est de plus agréable en ce monde, ô homme mortel, y est mêlé de tristesse. Vous n'y avez pas de bien pur. Et partout, universellement, quelque mal est attaché au bien. Le repentir au plaisir, l'avidité au mariage, le travail et le soin à la fertilité, la crainte de la chute à l'élévation de la gloire, le chagrin de la dépense aux honneurs, le dégoût aux délices, et la maladie à la santé. Il est vrai, ajoute ce saint père, c'est une charmante fleur que la rose, mais au moment que sa vue me réjouit, elle m'afflige en me faisant ressouvenir du péché pour lequel la terre a été condamnée à porter des épines. Une personne dévote, regardant avec plaisir un ruisseau éclairé de la lune, et y ayant aperçu tout le ciel dépeint avec les étoiles, comme dans un miroir, fit éclater son cœur en ce sentiment de joie. Ô mon Dieu, toutes ces étoiles seront très réellement sous mes pieds quand vous m'aurez reçu dans vos saints tabernacles. Et comme les étoiles du ciel sont ici représentées sur la terre, les hommes de la terre seront représentés en Dieu qui est la vive source de la divine charité. Une autre dit, en considérant le cours rapide d'une rivière vers la mer, mon âme sera toujours ainsi dans le mouvement, et n'aura jamais de repos qu'elle ne soit abîmée dans la divinité où elle a tiré son origine. Sainte Françoise, considérant un agréable ruisseau sur le bord duquel elle s'était mise à genoux pour faire sa prière, fut ravie en extase, et prononça plusieurs fois ces paroles. « C'est ainsi qu'avec beaucoup de suavité la grâce de mon Dieu coule doucement en mon cœur. » Une personne, que je ne vous nommerai point, admirant dans un jardin tous les arbres en fleurs, s'écria « Ah, faut-il que je sois la seule qui ne porte point de fleurs dans le délicieux jardin de l'église ?» Une autre, voyant des petits poussins ramassés sous leur mère, dit « Ô Seigneur, conservez-nous sous l'ombre de vos ailes !» Une autre dit en regardant un tournesol « Quand sera-ce, ô mon Dieu, que mon âme suivra les attraits de votre bonté ?» Et regardant ces petites fleurs, qu'on appelle pensées, assez belles à la vue, mais sans odeur, « Hélas, dit-elle, telles sont mes pensées, belles à dire et bonnes à rien. » Voilà, Philothée, la méthode de tourner en bonnes pensées et en saintes aspirations toutes les idées qui se représentent à nous parmi la grande variété des objets de cette vie mortelle. Malheureux ceux qui par leur péché donnent aux créatures un usage contraire à l'intention de leur Créateur. Bienheureux ceux qui cherchent dans les créatures la gloire du Créateur, et qui font servir ce qu'elles ont de vanité à glorifier la vérité. Pour moi, dit saint Grégoire de Nazianze, je suis accoutumé à rapporter toute chose au profit spirituel de mon âme. Je vous conseille encore de lire l'épitaphe de sainte Paul, composée par saint Jérôme. Vous prendrez plaisir à y remarquer toutes les aspirations dont l'usage lui était si familier en toutes sortes de rencontres. Mais observez bien que la grande pratique de la dévotion consiste en cet exercice de la retraite spirituelle du cœur et des oraisons jaculatoires. Il est d'une si merveilleuse utilité qu'il faut suppléer au défaut de toutes les manières de prier et qu'au contraire, si on les néglige, l'on ne peut pas presque trouver un bon moyen d'en réparer la perte. Sans cet exercice, l'on n'est pas capable des devoirs de la vie contemplative et l'on ne peut que s'acquitter fort mal de ceux de la vie active. Le repos ne serait qu'oisiveté et l'action ne serait qu'un embarras et une dissipation. C'est pourquoi je vous conjure d'entrer dans cette pratique de tout votre cœur et de ne jamais la quitter. Fin du chapitre 13e. Deuxième partie.